Bonsoir, vous êtes à l'écoute d'Amandla à CKUT 90,3 FM. Jacqueline Moudena est avocate au barreau du Tchad et présidente de l'Association tchadienne pour la promotion et la défense des droits de l'homme. Elle lutte depuis une quinzaine d'années pour que l'ancien président Hissène Habré réponde aux accusations de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes de torture. En 2011, Jacqueline a gagné le prix Right Livelihood, aussi connu comme le prix Nobel Alternative pour son travail. De novembre 2014 à janvier 2015, les victimes de torture sous Hissène Habré ont donné leur témoignage dans le procès judiciaire au Tchad. Le procès de Habré lui-même devrait débuter au Sénégal en mai 2015. Zahra Moulous s'est entretenue avec Jacqueline en 2014 sur cette lutte contre l'impunité et l'importance de cette lutte pour le continent africain. Voici leur conversation. Je m'appelle Jacqueline Moudéina. Je suis avocate au barreau du Tchad et je suis présidente de l'Association tchadienne pour la promotion et la défense des droits de l'homme, ATPDH. C'est cette organisation qui a intégré dans son programme la lutte contre l'impunité. Et cette lutte contre l'impunité m'amène, moi, en tant qu'avocate, à défendre les victimes de l'ex-président tchadien qui est aujourd'hui en exil à Dakar, au Sénégal. Est-ce que vous pouvez me donner un peu de contexte du régime du ex-président? Hissène Habré, l'ex-président tchadien, a régné au Tchad du 7 juin 82 au 1er décembre 90. Donc il s'agit de 8 années de règne, mais c'était des années de terreur où chaque tchadien avait peur de sa propre ombre. Dans un couple, vous avez le mari qui craint sa femme et vice-versa, et les deux avaient peur de leurs propres enfants. Parce que pour peu qu'on sortait une petite phrase, pour la petite phrase, on risquait toute sa vie. C'était vraiment de la terreur sous Hissène Habré. Et d'ailleurs, quand Hissène Habré est sorti le 1er décembre 90 par le biais d'un coup d'État qui a été perpétré par l'actuel président tchadien qui s'appelle Idriss Déby Itno. Quand il était parti, et une fois que le nouveau gouvernement s'est mis en place, le nouveau gouvernement a ordonné une enquête. Le rapport a été déposé en 92 et selon ce rapport, 40 000 Tchadiens ont été tués. Et il y a eu des milliers de disparus, de veuves et d'orphelins. Alors que cette enquête n'a pas couvert l'entièreté du pays. C'était des échantillonnages qui ont permis de fixer les 40 000 personnes tuées et des milliers de disparus. Parce que sous Hissène Habré, les violations de droits de l'homme qui étaient constantes, qui étaient très graves et constantes, se perpétraient du nord au sud, de l'est à l'ouest. Personne n'était épargné. Il fut des périodes très tristes, par exemple, en 84, Hissène Habré s'attaquait rien qu'au grand groupe Sara. Et cette période était appelée Septembre Noir, où les villages entiers étaient brûlés, des personnes étaient décimées, il y avait des grandes exactions. En 86 et 87, c'était le tour d'une autre ethnie, l'ethnie Hadjaraï. En 90, c'était le tour de l'ethnie Zakawa, dont relève l'actuel président. Parce que l'actuel président, qui était le bras droit pratiquement de Hissène Habré, parce qu'il était le chef d'état-major général, est entré en rébellion. Donc en 90, Hissène Habré s'est mis à exécuter également toute l'ethnie de l'actuel président. Donc ça a été des périodes très très dures et les violations des droits de l'homme étaient massives, constantes. C'est ce qui nous a amené à décider de poursuivre Hissène Habré et ses complices. Donc Hissène Habré est poursuivi sur le plan international et au niveau du Tchad, nous poursuivons les complices de Hissène Habré qui sont aujourd'hui récupérés par l'actuel pouvoir, qui occupent encore des postes de responsabilité. Mais lui, au Sénégal, est-ce que c'est plus facile de cibler lui-même au Sénégal Vous avez eu beaucoup d'expériences avec le gouvernement sénégalais aussi. Est-ce que vous pouvez parler de ce processus? Oui, vous savez, c'est la procédure judiciaire enclenchée contre Hissène Habré, c'est depuis 2000. Donc nous avons déposé les premières plaintes en février 2000. Hissène Habré a été inculpé. Et après moult tergiversations, parce que ce dossier, il n'est pas seulement judiciaire, il est hautement politique. Les juridictions sénégalaises s'étaient déclarées incompétentes. Nous sommes donc allés en Belgique, en vertu de la loi belge sur la compétence universelle. Arrivé en Belgique, le magistrat instructeur belge nous reçoit et accueille notre dossier. Après 4 ans de travail, le magistrat instructeur belge a inculpé Hissène Habré de 3 grands crimes internationaux. Crime de guerre, crime contre l'humanité et crime de torture. Et en même temps, il a lancé un mandat d'arrêt international contre Hissène Habré. Ce qui a permis à la Belgique de demander l'extradition de Hissène Habré pour qu'il soit jugé en Belgique. Malheureusement pour nous, l'ancien président sénégalais, Abdoulaye Wade, a refusé l'extradition. Il a préféré faire de notre dossier un dossier africain. C'est comme ça qu'il a envoyé notre dossier à l'Union africaine. Vous conviendrez avec moi que l'Union africaine n'est pas une instance judiciaire. Mais l'Union africaine a pris sur elle quand même de confier le dossier à un groupe d'éminents juristes. Finalement, l'option qui a été retenue, puisque les chefs d'État africains disaient qu'aucun chef d'État africain ne peut être jugé par les petits blancs. C'était leur terme. Donc il fallait retenir une option africaine. Donc ces éminents juristes ont proposé que le dossier revienne au Sénégal. Donc nous sommes revenus, on nous a envoyés encore au Sénégal. Malheureusement, le président Wade ne voulait pas du jugement de Hissène Habré. Et ce n'était pas que le président Wade. Nous disons qu'au sein de l'Union africaine, il y a un syndicat de chefs d'État. Vous savez, juger Hissène Habré est un précédent. Et aucun chef d'État ne voudrait que cela se passe. Parce qu'ils regardent à leur sort. Donc il a fallu l'arrivée de l'actuel chef d'État sénégalais, Macky Sall, qui a épousé notre idée de la lutte contre l'impunité. Donc le Sénégal s'est mis en négociation avec l'Union africaine et ils ont conclu un accord. Cet accord a permis de créer des chambres africaines extraordinaires au sein des juridictions sénégalaises pour juger Hissène Habré. Comment est-ce que vous allez trouver des témoignages des gens, des victimes qui étaient, les gens qui étaient victimes dans ces périodes? Est-ce que c'est très difficile? Vous savez, je travaille sur ce dossier depuis 1998. Ça fait 16 ans aujourd'hui. La première des choses que j'ai faites, c'était de collecter des informations. Et je travaille beaucoup avec des victimes. Et aujourd'hui, je suis sur un recensement. Ce recensement donne à peu près 7000 victimes, directes et indirectes. Donc, j'ai beaucoup d'informations. Et également, nous avons pu entrer dans les archives de la direction de la documentation et de la sécurité sous M. Hissène Habré. Ces archives nous donnent beaucoup d'informations. C'est ce qui rend solide notre dossier. Donc, pour les informations, nous en avons suffisamment. Pendant l'année 2000, quand vous avez soumis le dossier, vous étiez la seule avocat qui était prête à prendre un risque de faire ce type de travail. Est-ce que vous avez eu des menaces pendant toutes ces années? Oui, j'étais la seule avocate pratiquement parce que la première raison est que nous n'avons pas d'argent. Et aucun avocat ne peut travailler sans argent. Et moi, j'ai décidé de le faire, d'assurer ce bénévolat. Et en 2001, exactement le 11 juin, j'ai été victime d'un attentat à la Grenade. Cet attentat a failli me coûter la vie, mais Dieu merci. Je m'en suis sortie avec la jambe droite qui est complètement amochée. J'ai dû garder le lit pendant 15 mois. Et aujourd'hui, j'ai plein de séquelles sur moi parce que j'ai plein de tessons de grenades dans mon corps et j'ai eu 4 opérations à la jambe, au pied droit. Et j'ai été également victime l'année dernière d'un braquage où mon véhicule a été emporté. Dieu merci, on n'a pas touché à ma vie. Mais je suis vraiment une personne menacée. Mais là, depuis la création des chambres, il y a d'autres avocats qui se sont associés à moi. On a deux avocats tchadiens. Et à l'origine, on avait un avocat belge, un avocat français et un avocat sénégalais. Mais eux, ils ne sont pas aussi exposés que moi parce que le plus difficile, c'est de vivre avec ces extorsionnaires sur le terrain au Tchad. Et est-ce que le processus est bien couvert dans le média? Vous savez, c'est assez difficile. Les extorsionnaires occupent les hauts postes de responsabilité. C'est assez difficile de faire passer le message par les médias. Mais nous faisons beaucoup d'efforts, nous faisons beaucoup de sensibilisation par des billets de conférences, débats, des conférences de presse pour mieux informer les Tchadiens. Et depuis que les chambres ont été créées et depuis que les juges sont descendus sur le terrain, je crois que le gouvernement ouvre un peu ses portes, ce qui nous permet de faire une large diffusion des informations. Nous faisons tout pour informer les Tchadiens parce que ce dossier, nous ne le faisons pas simplement pour le plaisir de poursuivre Hissène Habré et ses complices. Mais nous voulons régler un problème à travers ce dossier. C'est le problème de la réconciliation des fils du Tchad entre eux pour qu'on puisse oser poser le jalon d'une paix durable au Tchad. Le Tchad est un pays qui a connu plus de 30 années de guerre. Il est assez difficile aujourd'hui d'avoir une paix durable. Et nous estimons qu'en poursuivant Hissène Habré et ses complices, en jugeant Hissène Habré et ses complices, en jugeant ce régime, on pourrait arriver à une réconciliation entre les Tchadiens. Je veux demander une question personnelle. Pourquoi est-ce que vous avez commencé ce travail? Qu'est-ce que c'est la motivation pour vous? Je suis une personne qui n'aime pas l'injustice. Et ensuite, je suis orpheline de père et de mère très tôt. Et cela m'a amené à me battre dans la vie. Je n'ai pas connu d'enfance. Et en voyant tout ce qui s'est passé sous Hissène Habré, je me dis que ces innombrables orphelins vivent le même drame que moi. Ce n'est pas facile pour un enfant de ne pas avoir de père, de mère en bas âge et de grandir tout seul. Et je me dis que ces personnes sont des personnes qui sont considérées comme des personnes sans voix. Donc j'ai eu cette possibilité d'étudier, d'arriver là où je suis. Donc je prête ma voix à ces personnes qui sont considérées comme des sans voix pour pouvoir aller à la conquête de leurs droits. Et quand vous regardez la situation dans le reste du continent africain, si on regarde l'impunité qui règne dans beaucoup de pays, est-ce que vous avez l'espoir que ce processus va finalement terminer avec quelque chose de positif? Vous savez, c'est le journal français Le Monde qui a trouvé le juste mot. Quand il y a eu les créations des chambres africaines extraordinaires et quand il y a eu l'arrestation de Hissène Habré, Le Monde avait sorti un article qu'il a titré « Procédure judiciaire contre Hissène Habré, un tournant pour l'Afrique ». Mais ça sera vraiment un tournant pour l'Afrique. Ce dossier n'est pas seulement tchadien. Si on arrive aujourd'hui à faire juger Hissène Habré, c'est l'Afrique qui juge l'Afrique. Et ça m'étonnerait qu'un dirigeant africain puisse se mettre à piller, à tuer son peuple sans être inquiété. C'est un tournant pour l'Afrique. C'est une base de lutte contre l'impunité pour l'Afrique. Et l'Afrique se portera mieux. Donc ce dossier n'est pas seulement tchadien, il est africain. Et pourquoi pas mondial. Oh, my God. Yeah.